Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Viguier, du nom de Suzanne et de Jacques Viguier. Le 27 février 2000, à Toulouse, Suzanne disparaît. Le mari est accusé de meurtre, deux procès suivront. Cette affaire, vous la connaissez peut-être sous d'autres noms. Longtemps, on l'a appelée l'affaire du professeur d'université de Toulouse. Et puis, il y a eu des fictions, télé, cinéma, la disparition de Jean-Xavier Lestrade en 2012 et une intime conviction en 2017 d'Antoine Rimbaud avec Olivier Gourmet et Marina Foïs. Deux interprétations, deux intrigues autour d'une même question, qu'est devenue Madame Viguier ? Pour cette émission, nous avons fait le choix de vous raconter les deux procès de Jacques Viguier, procès très suivis par la presse et la télé qui se sont emparés de cette affaire, sans cadavre, sans mobile évident et sans coupable identifié. Juste l'intime conviction, cette notion judiciaire qui, à tort ou à raison, nous trouble. Notre invité aujourd'hui, le chroniqueur judiciaire du Figaro, Stéphane Durand-Soufflant. Il a suivi les deux procès Viguier qu'il aborde dans son livre intitulé « Frissons d'assises, l'instant où le procès bascule ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 1er mars 2000, dans la maison familiale d'Orgex, dans l'Ariège, Jacques Viguier tourne et se retourne dans son lit. Le sommeil ne vient pas. Vers 4 heures du matin, il se lève, il sort et prend la direction de Toulouse. À la lumière des phares, les kilomètres défilent, comme les questions. Sa femme, Suzanne, Suzy comme il l'appelle, est-elle rentrée? Voilà 2 ans que l'amour entre eux a disparu. 12 ans après leur mariage, il n'en reste rien. Ni regard complice, ni geste tendre, ni mot doux, rien. Tout s'est évaporé, dissous. Jacques est un mari infidèle et donc menteur. Il aime plaire et Suzanne l'a su. Une, puis deux, puis trois, combien furent-elles à lui voler son mari? Comme elle, Suzanne a rencontré Jacques sur les bancs de la fac. Il était prof, elle était élève, ils se sont plu, aimés, mariés. 3 enfants sont nés, Clémence, Guillaume et Nicolas. Vient ensuite le temps de la chambre à part. Une nuit, deux, puis trois, des semaines, des mois. Le verre est dans le fruit. Déjà 2 ans que Suzanne dort dans une chambre collée à celle de Clémence. L'épouse trompée passe la nuit sur un clic-clac. Un couple qui se délite, mais qui ne se quitte pas, ce n'a rien d'exceptionnel. De l'amour passé, demeurent tout de même les enfants. Alors on patiente, on attend qu'ils grandissent avant de se dire adieu, on pense ainsi qu'on les épargne. Quand Suzanne ne dort pas dans le clic-clac, elle voit d'autres hommes. Elle aussi, après tout, avait le droit à un bonheur nouveau. Et Jacques sans doute. Souvent, sa femme s'absente, découche, il ne dit rien, ne pose aucune question. Ce 1er mars 2000, quand Jacques roule vers Toulouse, voilà 3 jours que Suzanne n'a pas donné de nouvelles. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février, il a cru l'entendre rentrer. Au petit matin, il pense l'avoir entendu dans sa chambre, aux côtés de Clémence. Après, elle n'est jamais réapparue. Ni coup de fil, ni mot d'explication, rien. Olivier, son ami avec qui Suzanne joue au tarot, dit l'avoir déposée vers 4h30 du matin. Depuis, comme à Jacques, Suzy ne lui a donné aucun signe de vie. Le lundi 28 au soir, Jacques appelle un ami inspecteur de police qui lui conseille de signaler la disparition de Suzanne. Mais il préfère attendre encore un jour. Le mercredi, il se décide enfin. À 8h30, le signalement est transmis. Ensuite, Jacques part travailler à l'université. 7 heures plus tard, ce 1er mars 2000, au même poste de police, Olivier, l'ami de Suzanne, déclare lui aussi sa disparition. 2 hommes, une femme en partage. Olivier, l'ami, est en fait l'amant de Suzanne. Et cela, l'agent de police le comprend très vite, car Olivier Durandet, tel est son nom, est inquiet et nerveux, comme un amoureux éperdu. Lors de sa déposition, l'homme ne cache aucun sentiment, aucune idée. Il déclare, par exemple, « En connaissant le caractère de Jacques, pour l'avoir côtoyé depuis 2 ans, je dirais que la prise de conscience de la perte de son statut social, de sa situation et du paraître au regard des gens, me font penser qu'il a pu commettre un acte irréparable. » De cette accusation, Jacques Viguier ne sait rien. Le soir même, il est de retour en Ariège, auprès de ses enfants et de ses parents. Le lendemain et les jours qui suivent, il skie avec eux. C'est la période des vacances scolaires. De retour à Toulouse, Suzanne n'est toujours pas revenue. Une semaine déjà sans nouvelles. Le lundi, le professeur d'université part pour 2 jours à Strasbourg. Sa mère joue la babysitter. À son retour, il dépose une plainte pour enlèvement et séquestration. Après, tout s'accélère. Le 10 mars, la maison du couple est perquisitionnée. À l'intérieur, les inspecteurs retrouvent le sac de Suzy, repèrent dans la maison de minuscules gouttes de sang et ils découvrent un clic-clac sans matelas. Jacques bafouille, se défend mal. Pour les inspecteurs, c'est sûr, le mari a tué sa femme. Alors on le cuisine, on le menace, mais Jacques tient bon. Pas de corps, pas de mobile, qu'importe, les soupçons sont grands. Le 11 mai 2000, le juge d'instruction place Jacques Viguier sous mandat de dépôt. A-t-il assassiné sa femme ? Je sais pas, il parle à... Ouais, c'est lui, ouais. C'est lui, c'est lui. Putain, il a l'air vraiment battu, disons. Il a pas l'air très bien, ouais. Ouais, putain. En novembre, après plus de 5 mois de détention, lors d'une reconstitution, les journalistes enregistrent de loin l'arrivée de l'accusé. Il crie son innocence. Je suis innocent. Yeah. Voilà ce que je suis. Ouais. Les policiers, ils sont là, ça me fait mal au ventre de vous revoir. Tout ce que vous m'avez fait, c'est dégueulasse. Quelques mois plus tard, le 15 février 2001, Jacques Viguier est libéré. Mais que n'a-t-il pas entendu et lu sur lui pendant ses 9 mois de détention ? Professeur de fac, on l'a glorifié du titre de vice-doyen. Cinéphile amateur, on l'a qualifié d'inconditionnel de Hitchcock, notamment des films Une femme disparaît et Le crime parfait, La belle affaire. En y pensant aujourd'hui, La mort aux trousses aurait été un meilleur titre pour cet homme. En 2002, 2 ans après la disparition de Suzanne, le professeur de faculté parle à la télé. Et le spectateur découvre un homme banal, terriblement banal. Face caméra, il proclame son innocence à petits mots, sans rage, sans force. Si je vous dis qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que vous me répondez ? Je ne sais pas. Le problème, si je le savais, hein, ce serait quelque chose qui permettrait d'être délivré d'une certaine manière, délivré de souffrance. Si on gagne une disparition que vous ne savez pas, c'est une douleur horrible, hein. Et c'est ainsi, là, on parle d'anniversaire, c'est vrai que c'est une horreur, parce que j'en ai parlé avec mes enfants de ça. Hein. Hier soir encore, on a allumé une bougie dans la chambre de mon fils. Mais, oh, je suis désolé, vraiment. On était à la messe dimanche, j'ai envie de penser à tout ça. Écoutez, je suis désolé, je ne peux pas me donner un spectacle, donc je ne sais pas. Allez. Recule. Monsieur Viguier, vous voulez nous dire quelque chose ? Le 20 avril 2009, son procès s'ouvre. Le public est nombreux. Voilà 9 ans que l'affaire fascine. Un mari et un amant ont perdu femme et maîtresse. Est-ce un assassinat ? Peut-être. Mais où est le corps ? Des aveux ? Aucun. Des preuves ? Mince. Un mobile ? Pas vraiment. Présenté ainsi, l'énigme semble impossible à élucider. Mais lors d'un procès en cour d'assises, tout est possible. Le temps long, le décor, le climat permettent souvent de mettre en lumière ce que l'enquête n'a pu voir. Ce 20 avril, quand Jacques Viguier s'installe dans son box, il semble ailleurs, les yeux dans le vague. On l'apprendra par la suite, il est dépressif. Pour tenir, son âme et son corps ont besoin de béquilles chimiques. Lors de son arrivée, il est entouré de ses 2 avocats, maître Georges Catala, un local, et maître Henri Leclerc, une célébrité du barreau. En face, sur le banc de la partie civile, un drôle de mélange. Il y a d'abord les enfants de l'accusé, de la disparue. Aucun ne croit à la culpabilité du père. C'est aussi le cas de la mère de Suzanne, leur grand-mère maternelle donc. Celles qui doutent de l'innocence de Jacques, ce sont les sœurs de Suzanne, Carole et Hélène. Elles sont défendues par maître Guy de Buisson, un local, et maître Francis Miner, une autre célébrité. Lors des premiers jours du procès, on décortique la vie du couple, du moins ce qu'il en restait à l'époque de la disparition. Suzanne souhaitait-elle divorcer ? Sans doute. Le lendemain de sa disparition, elle avait rendez-vous chez un avocat. Jacques le savait-il ? Non, affirme-t-il. Pour dresser le portrait d'accusé, on fait appel en partie à ses maîtresses, Valérie, Catherine, Émilie. La plus âgée a 46 ans, la plus jeune 29. Trois liaisons, trois histoires communes. Il était le professeur, elles étaient ses élèves, elles l'admiraient, il aimait être dans leurs bras. Après la disparition de Suzanne, ils auront avec toutes, sauf avec Émilie. Ils vivront 8 ans ensemble. Lors du procès, Émilie évoque un homme déprimé. Ceux qui l'ont décrit comme un monstre ne le connaissent pas. Donc, je crois qu'il est important d'entendre des gens qui le connaissent. C'est tout. Ceux qui le décrivent comme un monstre, c'est des gens qui ont entendu dire des choses sur lui. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu. Oui, là, ça fait un petit moment. Ouais. Je suis habituée à le voir dans un sale état. Donc là, je l'ai trouvé figé, oui, figé. Il me donne souvent l'impression d'un gibier traqué qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce jour-là, un autre témoignage fait sensation, celui de la babysitter, Séverine. Comme beaucoup, elle a été interrogée à plusieurs reprises par la police. Le 20 septembre 2000, soit 5 mois après la disparition de Suzy, elle s'est rappelée un détail. Le lundi 28 février, le lendemain de la disparition, elle s'est rendue chez les Viguier. Dans la salle de bain, au fond de la baignoire, elle a vu des traces de couleur rose. Du sang, peut-être. À sa sortie de la salle d'audience, la babysitter cache son visage, mais pas sa haine contre le professeur Viguier. Je suis toujours convaincue de ce que j'ai vu. Maintenant, comme je l'ai dit, à part si j'avais pu, moi, faire un test tout de suite pour être sûre que c'était bien du sang, il restera toujours un doute. Mais bon, après, il y a beaucoup d'autres choses qui font que moi, je reste persuadée que c'est Monsieur Viguier qui a fait disparaître qui a fait disparaître Suzy. Avec ce témoignage, le doute s'installe dans l'esprit du public, comme dans celui du jury. Jacques aurait donc tué Suzanne, admettons. Mais quand ? Le matin, après le départ des enfants avec le grand-père ? Mais où a-t-il mis le corps ? Y a-t-il eu préméditation ? Mystère. Le lendemain, le commissaire en charge de l'affaire, Robert Sabi, entre en scène. Dans les coulisses, il a promis aux journalistes un show. Personne ne sera déçu. Minute après minute, Sabi fait revivre l'enquête. Déposition, interrogatoire, perquisition, on se dirait dans un film de Claude Miller. À la barre, il exprime ses doutes. Dès le début, l'attitude de Jacques Viguier l'a intrigué. Pourquoi a-t-il attendu 3 jours avant de signaler l'absence de Suzanne ? C'est vrai quoi ? 3 jours, c'est long, même quand on n'aime plus. Le 1er mars, lors du signalement, Jacques Viguier n'était ni inquiet ni pressé. Sabi n'a aucune preuve, mais un pressentiment, le fameux flair du flic, peut-être. Le commissaire évoque la perquisition du 10 mars 2000, et 2 choses l'ont marqué. La découverte du sac de Suzanne, que Jacques a oublié de signaler à la police, et l'absence du matelas. Ah, le matelas. Depuis le début, il est au cœur de l'enquête. Quand les enquêteurs découvrent son absence, Viguier quitte précipitamment la pièce. Stressé, anxieux, il fait les 100 pas, seul, dans le jardin. Mais qu'a-t-il fait du matelas ? Eh bien, il dit l'avoir jeté à la déchetterie. Mais pourquoi ? Ses réponses évoluent. Inconfortable, d'abord, dit-il, il devient ensuite le symbole de l'adultère. Alors, il l'a jeté. Ah bon ? Devant les jurés ce jour-là, le commissaire Sabi ne se limite pas à rappeler l'enquête. Il imagine un possible mobile. Viguier est un homme bien, élevé avec des valeurs, dit-il. Mais il ne peut pas accepter le divorce, c'est plus fort que lui. Ah bon ? Au journaliste, le commissaire délivre ainsi son intime conviction. C'est une affaire criminelle ou c'est un accident qui tourne mal? Bon, je pense que c'est un accident qui tourne mal. Vous pensez qu'on saura un jour la vérité, justement? Il n'y a que lui qui l'a assez, la vérité. La vérité, c'est que, je l'ai dit, c'est mon argumentaire auprès des Viguier. Donne une tombe décente à ta femme, pour tes enfants et pour toi-même. Le problème, c'est que le commissaire n'a trouvé aucun élément qui confirme cette idée. Devant la cour, on l'interroge sur la nuit de la garde à vue de Viguier. Il avoue un tête-à-tête, sans PV d'audition. Selon son expression, il le travaille. Il lui souffle un scénario possible de la disparition. Une nouvelle dispute, des mots qui blessent, des coups qui tombent. Suzanne chute, elle ne se relève pas. En droit pénal, on appelle ça coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et c'est 5 ans. Oh, pas la mer à boire dans l'esprit du flic. Viguier écoute, mais n'en démord pas, il est innocent. Alors pourquoi ferait-il de la prison, ne serait-ce que 5 ans? Ce qui au passage est une éternité. Pourtant, 9 ans après, dans son box, Viguier regarde le commissaire presque sans réagir, proscrit, recroquevillé, comme enfermé à l'intérieur de lui. Est-ce le poids de la culpabilité ou la dépression provoquée par ces 9 années d'accusation? Lui seul le sait. Le procès a-t-il basculé? Peut-être. Dans la salle des pas perdus, le chroniqueur judiciaire du Monde, Yves Bordenave, reste prudent. À l'état du dossier, s'il sort de là acquitté, il n'y aura rien de scandaleux. Et s'il sort de là condamné, il n'y aura rien de particulièrement scandaleux non plus. Le dossier est suffisamment faible pour qu'on puisse l'acquitter. Et en même temps, la personnalité, et il y a suffisamment d'éléments troublants pour qu'il puisse également être condamné. En fait, tout dépend de lui, de la manière dont il va se comporter pendant cette audience, de la manière dont les débats vont se dérouler, de l'impression qu'il va faire à la cour d'assises. Pour l'heure, Viguier est un piètre accusé. Il ne se défend pas. Et puis les psychotropes, ça n'aide pas. Or, les accusations pleuvent sur lui. Alors, sans doute conseillé par ses avocats, Jacques se fait violence et contacte des journalistes de France 2 qui tournent un reportage sur son procès. Ce soir-là, seul, dans son bureau, il parle, à découvert. Personnellement, intimement, d'un point de vue religieux, vous avez fait le deuil d'elle? C'est une discussion qu'on a souvent avec les enfants, sur le fait de savoir si elle est vivante ou morte. C'est vrai que j'ai encore de l'émotion en utilisant ces termes, parce que pour les enfants, c'est vrai que la question est aussi grave que pour moi. Et donc nous avons des divergences parfois là-dessus. Moi je pense qu'elle est morte, mais les enfants pensent qu'elle est encore vivante. Vous avez peur d'aller en prison? J'ai envisagé l'hypothèse, bien sûr, même par rapport à mes enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au cas où? Mais franchement, je suis innocent, donc on ne peut absolument pas démontrer une culpabilité. Alors bien sûr, moi je ne peux pas démontrer une innocence ne se démontre pas. Mais il faut démontrer une culpabilité. Et il est impossible de démontrer une culpabilité de quelqu'un qui est innocent. Monsieur Viguier, vous voulez nous dire quelque chose? Dans ce théâtre des apparences, l'image est tout. Et dans ce jeu de rôle, c'est Olivier Durandet, l'amant, qui joue celui du gentil. Le 27 avril 2009, lors de son passage à la barre, il fait un sans-faute. Éploré sans être larmoyant, accusateur sans être enragé, il est parfait. C'est un petit bonhomme, Durandet, un gars qui paraît sans histoire. Il a rencontré Suzanne au club de tarot. De tournoi en tournoi, il est devenu le confident, l'ami présent à la table du foyer. Les enfants l'appréciaient, Jacques l'acceptait. Savait-il que Suzy et lui, apparemment non. Voyez-vous, Jacques est professeur, lui intérimaire. Il aime la chasse, lui les cartes, alors Suzy et lui, impossible. Pourtant, Jacques Viguier aurait dû se méfier de cet homme, car ce sont ses accusations qui ont fait du mari le coupable idéal pendant l'enquête. À la barre, Durandet invite les jurés dans la maison du couple. C'était la guerre, dit-il, ils s'engueulaient tout le temps. Puis l'amant se souvient d'un dîner de février, durant lequel Suzy aurait exprimé son souhait d'un divorce à l'amiable. Et arrive la soirée du 27 février 2000. Comme promis, après l'avoir déposé à 4h30 du matin, Olivier a appelé Suzanne. Elle n'a jamais répondu. Depuis, il cherche ce qui est arrivé. Au bout de 2 semaines de procès, l'avocat général s'est fait un avis. Il demande une lourde peine, 15 à 20 ans de réclusion. Le lendemain, Maître Henri Leclerc, l'avocat de Jacques, entame sa plaidoirie. Sans colère, sans excès, l'avocat expérimenté parle aux jurés comme un père. Il ne souhaite pas les diriger, mais il espère les aider. Avec calme, douceur, il reprend le fil de l'histoire. Il exprime ses craintes et conseille à ses hommes et à ses femmes de se méfier des attitudes, des témoins, de la victime même. On l'aurait presque oublié. Qui était Suzanne ? L'avocat parle d'une mère admirable, sans aucun doute, mais il rappelle ceci. Elle a installé son amant au domicile conjugal, demandé aux enfants de mentir à leur père. Il s'arrête et il conclut « Je ne vais pas plus loin, ça suffit ». Après les conseils, l'avocat pointe les erreurs, les raccourcis, les exagérations, les traces de sang dans la salle de bain. Les experts ont parlé de micro-tâches. Est-ce l'indice d'un crime ? Leclerc ne le pense pas et pour cela, il raconte une histoire. La veille de sa plaidoirie à l'hôtel, en se rasant, il s'est coupé. Quelques gouttes sont tombées, ici et là. Il sort alors un mouchoir taché de son sang et poursuit en ces termes. On se coupe tout le temps, vous savez, dans une maison, quand on se rase les jambes aussi. La phrase fait son effet. Et l'avocat conclut, personne ne peut dire avec certitude que Jacques Viguier a tué sa femme. Dites-lui de repartir, ce ne sera pas une erreur judiciaire, vous devez la quitter. Eh bien, c'est chose faite. Après 3 heures de délibéré, les 3 femmes et les 6 hommes du jury populaire votent pour l'acquittement. Jacques Viguier sort donc libre, entouré de ses enfants, Clémence, Guillaume, Nicolas. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, et les avocats, le jury, tous mes amis. Alors, l'histoire est-elle terminée ? Pas totalement. Quelques jours plus tard, le parquet général fait appel, et tout est à recommencer. Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine. Quand tes yeux se posent sur moi. Solitude te pèse quand tu viens à passer par là et qu'un ami t'a oublié. Tu peux toujours compter sur moi. Vous savez, c'est pas la peine. Non, on va pas. 1er mars 2010, Albi. 11 mois après son premier acquittement, Jacques Viguier de retour dans le box des accusés. L'allure est désormais assurée. Main dans les poches, sans valise, l'homme semble sûr de lui. À ses côtés, deux nouveaux avocats, Jacques Lévy et Éric Dupond-Moretti. Ses enfants, Clémence, Guillaume et Nicolas, sont toujours auprès de lui, comme sa belle-mère. Mais face à eux, les sœurs de Suzanne, toujours persuadées de la culpabilité du professeur. Je crois à 300%, je suis coupable. C'est même plus 100%, c'est 300%. Ce n'est plus. Et si c'est un nouvel acquittement? Je ne pense pas. Ce serait trop injuste. Pensez à ma sœur. Pensez à ma sœur. La première semaine du procès se déroule à l'image de celui de 2009. On déroule la biographie du professeur, son travail, son mariage, ses maîtresses. De Suzanne, on évoque les blessures, le caractère, les passions. Elle est professeure de danse. Elle est chorégraphe également pour un établissement nocturne de la ville de Toulouse. Durant ses premiers jours, on parle des violences de Jacques. On cite des écrits de Clémence qui parlent des grosses colères de papa. On convoque des amis de Suzy. L'une d'elles parle de coups. Lui nie avoir levé la main sur elle. Ensuite, on revient sur la perquisition, le sac retrouvé, les gouttes de sang et le matelas, évidemment. Le président interroge longuement Jacques Viguier à ce sujet. Quand l'a-t-il jeté, ce fameux matelas? Le 11 mars, en sortant du commissariat, je l'ai jeté sur un mouvement d'humeur, dit-il. Le président lui rappelle l'évolution de ses dépositions, alors Viguier s'embourbe. Ce même 11 mars, il fait nettoyer la voiture de sa femme. Pourquoi? Par habitude, répond-il. Les avocats de la défense baissent la tête. Ils ne poseront aucune question à leurs clients. En dehors du palais, quelqu'un attend son tour. Olivier Durandet. Même s'il n'a pas encore parlé devant les jurés, les journalistes le repèrent et les interviews se multiplient. Je pense qu'il s'est enterré dans un mensonge. Avoué, ça serait avoué qu'il a menti à tout le monde pendant toutes ces années. Avoué à la police qu'elle a gagné et qu'elle avait raison dès le début. Que moi j'avais raison, c'est dire à ses parents, à ses enfants, qu'il s'est foutu d'eux pendant 10 ans. Donc comment voulez-vous que maintenant il puisse, à moins qu'il y ait un sursaut d'humanité chez cet homme-là, je vois pas comment il pourrait en être autrement. C'est bon pour tout le monde. Durandet, un drôle de bonhomme. C'est du moins ce qu'a dû se dire Éric Dupond-Moretti en découvrant le dossier. Durandet, ami, amant, l'ennemi de l'intérieur, pensent certains. En tout cas, il est le dernier à avoir vu Suzy. Après le tournoi de tarot, ils ont fait l'amour, chez lui, et puis vers 4h30 du matin, il l'a déposée, chez elle. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et on peut le croire, car les enquêteurs n'ont jamais douté de lui. Non, non, jamais enquêté sur son planning, jamais vraiment perquisitionné son appartement. En fait, à aucun moment, il n'a été soupçonné. Devant le palais de justice, 10 ans après, Durandet parle sans inquiétude. Sauf que, pour ce second procès, le président a versé au débat des dizaines de CD d'écoute téléphonique jamais exploités, des centaines d'heures non retranscrites qu'il a fallu éplucher. Avec ses collaborateurs, Dupond-Moretti s'y est collé, avec minutie, des jours et des jours, ils ont cherché un détail, une info, une piste. Bingo! Lors d'un échange téléphonique entre Durandet et la babysitter, quelques mots révèlent un mensonge. Dupond-Moretti prend note. Le 9 mars, quand la babysitter s'avance à la barre, l'avocat est prêt. Madame, lors de vos dépositions, vous avez indiqué que le lendemain de la disparition, le lundi, vous êtes entrée dans la maison. C'est bien ça? Oui. Et c'est ce jour-là que vous avez vu des gouttes de sang? Oui. Vous y êtes allé seul? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Madame, vous êtes témoin, vous avez juré de dire la vérité. Or, nous disposons d'écoutes téléphoniques qui prouvent qu'Olivier Durandet vous accompagnait. Silence. La salle retient son souffle. La babysitter chavire, accrochée à la barre, elle avoue. Oui, il est rentré, mais il est resté avec moi tout le temps. Au tarot, on appelle ça perdre son petit. La salle n'est pas perdue, les journalistes en sont certains. Ils viennent de vivre un tournant, une journée comme seul en réserve les assises. Écoutez d'ailleurs cet extrait de la discussion entre spécialistes judiciaires pour divers journaux. C'est un extrait de l'émission Lundi spécial investigation diffusée sur Canal+. Je sais pas si ça change le fond vraiment, mais... Sur le fond, ça laisse C'est un boulevard. C'est un boulevard pour la défense, c'est sûr. C'est, on ne sait pas s'il a tué ou pas, effectivement, Suzuvier. Par contre, il y a tellement de trous dans l'enquête que là, c'est un trou encore plus gros et qui fait que pas, c'est difficile de condamner un mec avec des trous dans l'enquête. On découvre des trucs comme ça 10 ans après. Ouais. Sidérant. Enquête à la mal faite. Enquête mal faite et à charge. Enquête à charge. Je sais pas. En tout cas. Il nous reste une semaine et demie, on va encore découvrir des choses. Ouais, hein. Le soir même, Olivier Durandet est placé en garde à vue pour subornation de témoin. Le lundi 15 mars, il se présente à l'audience. Que dire de cette journée ? Surprenante. On attendait un témoin blessé sur ses gardes, mais non. Durandet fait face. Il reconnaît son mensonge. Il avait des doutes. Il voulait entrer, voir. Alors au président, il dit, vous savez, hein, vous quittez quelqu'un dont vous êtes amoureux, vous lui dites à demain, et puis là, plus rien. Touchant l'amant. Ses erreurs sont celles d'un homme perdu à la recherche d'une femme qu'il pense morte. Alors Dupond-Moretti se lève. Pour l'avocat, Durandet n'est qu'un menteur. Les journalistes pensaient le duel inégal. Ils se trompaient. Lors de ce face-à-face, Dupond-Moretti, brutal, colérique. Et Durandet, lui, esquive, reste droit, calme. Minute après minute, la machine de la défense se grippe. Alors, pour retrouver de l'élan, l'avocat demande l'écoute intégrale de la conversation téléphonique, sans effet. Après 2 heures de duel, l'avocat se retire. Il espérait faire de l'amant un possible accusé. Durandet, ce soir-là, est resté l'amoureux un peu perdu qui cherche désespérément sa maîtresse. La babysitter et l'amant ne sont pas les seuls à être égratignés durant ce second procès. Le commissaire Sabi perd aussi de sa superbe. C'est Dupond-Moretti, encore une fois, qui le fait tomber. Déstabilisé par l'amant, l'avocat de Viguier tente avec le commissaire le tout pour le tout. Il met en cause les conditions de garde à vue, le travail des enquêteurs, leur aveuglement, tout y passe. Dans ce réquisitoire, l'avocat a 2 cartes à jouer. Le père de l'accusé, Jean Viguier, qui répète les mots du commissaire quand il a essayé de faire craquer son fils, touchant le père. Puis il demande la diffusion d'un nouvel enregistrement des écoutes téléphoniques. Il s'agit là d'un coup de fil du commissaire à la mère de l'accusé. Restez sa mère, d'accord ? Comment ? Ne vous mêlez pas de quoi ? De cette affaire. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Restez simplement comme vous l'avez été depuis 43 ans, sa mère, et de discuter avec lui, parce que faute avouée est à moitié pardonnée, et dans son affaire, il a dégoupillé, il me l'a refroidi à sa femme, parce qu'il voulait, elle voulait divorcer, et que c'était imminent. Le lundi 28, elle avait rendez-vous chez un avocat, et lui, c'était insupportable, ça. Bon, il l'a refroidi, il ne le reconnaîtra pas, c'est pas un problème. Moi, je fais une enquête. Il l'a refroidi, mais vous avez un drôle de mot, vous, pour dire les choses. Mais le seul moi, problème, voyez, je ne suis pas aussi blasé que vous. Le seul problème, ça va être de savoir s'il aura un jour du remords. Il l'a refroidi. Parole de flic. Teinté de moralisme de surcroît. Ces enregistrements téléphoniques font de ce second procès une autre affaire. Un jour, on fait entendre le premier coup de téléphone du commissaire Sabi à Jacques Viguier. C'était le 9 mars. Le téléphone sonne. Clémence, la plus grande de la famille Viguier, décroche. Papa, un monsieur pour toi. Jacques prend le combiné. Il parle. Sa voix est différente de celle d'aujourd'hui. Il ne semble ni surpris ni inquiet. Au loin, on entend jouer les enfants. La mort semblait bien absente de la maison. En 2010, lors de ce second procès, Clémence, l'aînée de la famille Viguier, a désormais 10 ans de plus, bientôt la vingtaine. Une moitié de vie sans sa mère. Elle, comme ses frères, n'a jamais douté de son père. Durant le témoignage, Clémence a souvent la tête posée sur l'épaule de l'un de ses 2 frères. À chaque interruption, elle rejoint son père, qu'elle soutient comme elle peut par des mots d'encouragement soufflés au creux de l'oreille, par des idées griffonnées sur un bout de papier. Malgré le drame, la famille est restée unie. C'est la seule vérité qui demeure de ces 2 procès. Le dernier vestige de cet amour passé, ce sont eux, les enfants, le père, les grands-parents. Alors qu'à la barre, tous les témoins ont un peu menti, un peu échoué, les enfants, eux, se sont présentés sans fioriture, sans artifice. Au juré, ils ont raconté la vie avant le départ de maman, et puis l'enquête, les questions, l'incarcération de papa, le tunnel judiciaire, la longue chute de leur père dans la dépression. Et leur mère, eh bien, ils l'espèrent vivante, bien sûr, et n'excluent pas qu'elle soit partie, juste partie. À Clémence, on pose une question importante. L'a-t-elle rejointe le dimanche 27 février au petit matin dans son lit, comme son père l'a évoqué? Elle ne sait plus. Elle ne veut plus savoir. Comme en 2009, l'avocat général requiert contre Jacques Viguier 15 à 20 ans de prison. Et comme en 2009, Jacques est acquitté. L'un après l'autre, les avocats passent devant les micros des journalistes. Dupond-Moretti d'abord. Il était absolument impensable que la cour d'assises du Tarn rende une autre décision que celle qu'elle a rendue. Plus personne ne pourra sous-entendre, plus personne ne pourra suggérer la culpabilité de Jacques Viguier. Je voudrais simplement vous dire que la cour d'assises du Tarn n'a pas manqué ce soir son rendez-vous avec la justice. Comment vous dites ? Ça n'est pas une victoire de la défense. C'est une victoire de la justice, et pardonnez-moi de vous le dire, c'est vraiment la moindre des choses. Francis Spinner ensuite. Les jurés, certainement au terme d'un long débat, en leur âme et conscience, ont estimé qu'ils ne pouvaient pas avoir de certitude. Je regrette qu'ils n'aient pas partagé notre intime conviction, qui reste intacte, mais comme je l'ai dit, vox populi, vox dei. Dans quelques semaines, en février 2020, cela fera 20 ans que Suzanne a disparu. Alors, est-elle encore en vie? Peut-être. Mais que dire d'autre dans cette affaire que peut-être? Sais-tu, ma belle, que les amours les plus brillantes ternissent le sale soleil du jour, le jour les soumet au supplice. J'ai une idée inattaquable pour éviter l'insupportable avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît. Je t'embrasse et ça passe. Tu vois bien, on se débarrasse pas de moi comme ça. Tu croyais pouvoir t'en sortir en me quittant sur l'air du grand amour qui doit mourir. Mais vois-tu, je préfère les tempêtes de l'inéluctable à ta petite idée minable. Avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût, brisons la dis-tu. Mais tu m'embrasses et ça passe, je vois bien, on se débarrasse pas de toi comme ça. Je pourrais t'éviter le pire, mais le meilleur est à venir. Avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît. Non, je t'embrasse et ça passe. Tu vois bien, avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la dis-tu. Mais tu m'embrasses et ça passe, je vois bien. On se débarrasse pas de toi comme ça. On se débarrasse pas de moi comme ça. Vous Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Viguier avec notre invité Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro, auteur du livre intitulé « Frissons d'assises, l'instant où le procès bascule », dans lequel vous abordez ce procès, parmi d'autres, ou plutôt ces procès Viguier, puisqu'il y en a eu deux, vous avez couvert tous les deux, et je précise que vous avez publié un autre livre un an auparavant, qui lui était intitulé « Disparition d'une femme », et qui parlait de l'affaire Viguier et seulement de l'affaire Viguier. Et à ce propos, et avant qu'on retourne dans les faits qu'on vient d'exposer, il y a une filiation, pas une filiation du crime, mais de la disparition, en tout cas chez les Viguier. Oui, une histoire extraordinaire. En 1947, la grand-mère de Suzy Viguier a été elle-même assassinée, c'était à Narbonne, et à l'époque on avait également soupçonné son mari. Il y avait dans le jeu judiciaire une espèce de témoin à charge qui pourrait évoquer la personnalité d'Olivier Dirandet dans l'affaire dont nous parlons aujourd'hui. Et l'affaire, à l'époque, s'est terminée par un non-lieu. Il n'y avait aucune preuve, et d'ailleurs le mari n'avait aucun mobile non plus. Et donc on n'a jamais su non plus qui a tué la grand-mère de Suzy Viguier. Ça a été évoqué dans l'un de deux procès ? Ça a été évoqué rapidement, et ça permettait d'avoir une appréhension très différente de la mère de Suzy, qui, comme vous l'aviez rappelé, ne croyait pas à la culpabilité de son gendre. Mm-hmm. Et cette femme, vous imaginez sa situation, elle-même fille d'une femme dont on n'a jamais su comment elle était morte, et mère d'une fille qui aujourd'hui encore est disparue. Effectivement. Alors, cette affaire pose la question de l'intime conviction, quand la justice n'arrive pas à prouver la culpabilité de quelqu'un et que sa défense n'arrive pas, elle, à prouver son innocence, même si dans le droit français, c'est la justice qui doit prouver la culpabilité. Le cas Viguier nous renvoie au principe fondamental, selon lequel il vaut mieux acquitter un coupable que condamner un innocent. C'est le fameux bénéfice du doute qui doit être en faveur de l'accusé. Parce qu'il y a doute, justement, est-ce que de ce point de vue, le double verdict des assises du Tarn est exemplaire ? Oui, je pense qu'il montre aussi que l'intime conviction, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une espèce de vague impression, c'est pas au doigt mouillé. Bah oui. Et cette intime conviction, elle est définie de manière assez précise par un article du Code de procédure pénale, l'article 353, qui est lu toujours avant que les jurés ne se retirent. C'est un texte absolument magnifique. Et on demande aux jurés de s'interroger quel effet a produit sur leur raison les preuves apportées. Donc, même s'il n'y a pas une preuve absolue, et il y a beaucoup d'affaires où il n'y a pas de preuve absolue, mais c'est tout un faisceau de choses qui doit amener les juges à réfléchir, à peser très très sérieusement les éléments matériels, la personnalité de l'accusé. Et dans le cadre de l'affaire Viguier, c'est ça qui était extrêmement passionnant. Il y avait peu d'éléments matériels et une personnalité de Jacques Viguier extrêmement intrigante et qui lui a coûté très cher, parce qu'elle lui a valu quand même des années de suspicion, et puis ça n'a pas été bon non plus pour son moral à lui. C'est un homme qui était dépressif. Très dépressif, voilà. Et donc ces deux, avec cette affaire-là, on était au cœur vraiment d'un dossier qui plaçait vraiment les jurés devant leur pleine responsabilité et qui faisait appel au plein exercice de l'intime conviction. Alors les journalistes aussi ont une intime conviction qui n'a pas de valeur juridique et pénale. Quelle était la vôtre ? Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu tout Alors, ça ? Quand on est chroniqueur judiciaire, on essaye de ne pas avoir d'intime conviction. C'est un exercice un peu difficile, et c'est encore plus difficile parce qu'on essaye de ne pas en avoir quand on travaille, et alors qu'on en a forcément une quand on discute avec les copains et qu'on va dîner le soir après les audiences. Dans le cadre de l'affaire Viguier, très franchement, j'en avais aucune parce qu'on était un peu ballottés, surtout au premier procès qui s'est terminé par l'acquittement après une plaidoirie absolument exceptionnelle de Henri Leclerc. Les avocats, les pénalistes disent toujours un peu, peut-être par coquetterie, que ça sert pas à grand chose la plaidoirie, mais c'est pas vrai. La plaidoirie d'Henri Leclerc a été magnifique pour remettre les choses en place à son bénéfice en l'occurrence. Mais à un moment, on a entendu tout à l'heure un confrère qui disait Yves Bordenave du Monde, oui, qui est toulousain en plus, donc c'est une affaire qui devait lui parler particulièrement. Il disait il pourrait être condamné ou acquitté. Dans les deux cas, on pourrait très bien l'expliquer. Mais il parle d'ailleurs après de la personnalité. C'est-à-dire que s'il avait été condamné, on aurait pu vraiment l'expliquer par la personnalité. Et s'il avait été acquitté, on pouvait très bien l'expliquer par l'absence de charge. Donc on avait des explications un peu dans tous les cas de figure. Et là, la culpabilité a été écartée. Les deux fois. Il y a un élément troublant dans cette affaire, c'est ce qu'on a fait d'Olivier Durandet, après tout. Voilà un homme qui accuse, hein, c'est très très grave, ce qu'il dit à un moment, il dit, mais oui, de toute façon, il a tué sa femme. Il prend le risque quand même d'envoyer ce type 20 ans en prison. Ah ben, Olivier Durandet, il le dit le jour de la disparition de Suzy, hein, c'est un dimanche, à 17h le dimanche, il envisage au téléphone avec une des sœurs de Suzy que Jacques Viguier a pu tuer sa femme. Mmh. C'était immédiatement quelque chose qu'il envisage et qu'il formule. Sauf que c'est quand même le dernier à l'avoir vu. Et il n'est pas soupçonné. Enfin, tranquille, quoi. C'est un témoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'affaire Viguier, c'est aussi c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est aussi l'histoire d'une enquête très mal faite. Puisque l'enquête n'a pas fermé la porte du Durandet. Donc, évidemment, il serait totalement absurde d'accuser Olivier Durandet de quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus à son encontre. Il n'y a ni preuve matérielle, ni mobile apparent. Ben, c'est très énigmatique. Mais ce qu'on sait, c'est que l'enquête est partie sous la direction du commissaire Sabi immédiatement sur Jacques Viguier, voilà. Qu'il a été aiguillonné en cela par Olivier Durandet. C'est vrai qu'Olivier Durandet, lui, il pousse vraiment à la roue, et même il va jusqu'à téléguider des témoignages. C'est apparu très clairement, et à commencer par le témoignage de la babysitter qui mentait depuis 10 ans à la demande d'Olivier Durandet, elle l'a dit. Mais il y en a d'autres aussi à qui il avait vraiment soufflé les réponses qu'il fallait faire aux policiers pour orienter l'enquête dans le sens de son intime conviction à lui. Et d'ailleurs, ceci explique peut-être cela. Il n'est pas spécialement en subornation de témoin, mais c'est pas grave. Je mentis, bah oui. Bon, voilà. Oui. Est-ce que ça montre qu'effectivement, il était dès le début de l'enquête, il se sentait dans le camp des gentils ou soutenu par la police? Écoutez, parce que son comportement peut être expliqué par ça. Il y a une écoute très très troublante qui a été diffusée pendant ces procès. C'est Olivier Durandet avec un des enquêteurs, qui n'est pas le commissaire Sabi, qui est un autre commissaire de police. Et on l'entend, qui discute avec lui sur un ton très amical. Et Durandet dit « Oui, je suis embêté, j'ai des affaires à moi dans la maison des Viguier, j'aimerais bien les récupérer. Bon, si j'entre et que je les prends, c'est embêtant. » Et le policier lui répond, commissaire de police, divisionnaire, lui dit « Bah oui, enfin, en droit, c'est une violation de domicile, mais enfin, pas vu, pas pris. Ouais. C'est quand même fou. Il y a une espèce de connivence entre un témoin majeur et les enquêteurs, qui est totalement troublante, puisque il n'y a pas eu d'enquête sur Olivier Durandet. Vous savez, le mari, la femme, l'amant, l'un des trois disparaît, on enquête immédiatement sur les deux autres. Bah, sur les deux qui restent, ouais. Quel que soit le cas de figure. Et là, non. On est parti sur Jacques Viguier, l'étrange. En l'occurrence, sur le mari. Voilà. Bah tiens, Durandet, on va l'écouter. Hein, un extrait d'un entretien réalisé durant le procès par les équipes de France 2 pour le reportage intitulé « Acquitté ». Le 27 février 2000, c'est rapide. Hein, c'est 4h30 du matin, je la dépose. On se dit au revoir, je lui dis qu'on s'appelle le lendemain et c'est fini. Après, c'est plus que de l'inquiétude et de l'angoisse. Et pendant 9 ans du combat. Si s'était passé quelque chose et que Suzy, pour une quelconque raison, soit partie ou soit sortie, peu importe. La première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle elle venait, elle m'en parlait ou elle me téléphonait. On se retrouvait quelque part ou elle venait à la maison. Donc là, n'ayant plus ce mode de fonctionnement qui s'était instauré entre nous, moi je me rends bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Ben, c'est tout simple et la seule chose qu'elle cherchait en fait, c'était de l'amour. Et non pas du matériel. Suzy était idéaliste. Si elle avait pu garder sous le même toit le père de ses enfants, avec ses enfants, pour qu'ils aient une cellule familiale suite à elle, le divorce qu'elle avait vécu et qu'elle avait mal vécu de ses parents. Moi, elle avait peur que ça se reproduise auprès de ses enfants, donc. Elle voulait pas ça et que chacun puisse avoir une vie à côté. Et c'est un peu idéaliste et en tout cas c'était Suzy. Et puis elle s'est bien rendue compte que ça marcherait pas. Donc c'est bien Durandet qui parle, ça c'est l'amant. Maintenant, on va entendre le mari parler de sa femme. Dans ce livre, bien évidemment, vous revenez sur la personnalité de votre femme. Vous n'êtes pas très tendre avec elle. Vous la considérée comme dépressive, une séductrice ambiguë, manipulatrice, un petit peu voleuse, hein, puisqu'elle soutire de l'argent à vos babysitters, et même carrément mythomane. C'est à cela que ressemblait Suzy ? J'ai pris des exemples dans les procès-verbaux qui ont été faits par ses amis, pour ne pas paraître subjectif. Et moi, je l'aimais profondément, et j'ai continué à l'aimer même malgré nos difficultés, mais en même temps, elle avait une personnalité ambiguë. J'ai évité d'en parler avant le procès. Le procès l'a montré, donc à ce moment-là, je pouvais en parler. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Durand ? Souffleur. On vient d'entendre l'amant et le mari qui parlent de la femme, hein, partagée, si j'ose dire, de façon très différente. Jacques Viguier est un homme qui ne... Alors, je pense qu'il a une éducation assez austère, on pourrait dire un peu puritaine. Je pense qu'il a beaucoup de mal à parler de sentiments d'une manière générale. Il est très froid, il a une façon de raisonner extrêmement déconcertante, alors que Durandet, c'est tout à fait le contraire. C'est un méditerranéen beaucoup plus exubérant, et qui, lui, c'est ça aussi qui est une donnée majeure des deux procès, à placer immédiatement Olivier Durandet, c'est la première personne qui vient parler d'amour à la cour d'assises. Et vous savez, dans la justice, c'est souvent on attend beaucoup de chacun qui joue un rôle très précis. Donc le veuf éploré ou le mari éploré qui recherche sa femme, il doit pleurer, il doit se lamenter, il doit jouer sur la Viguier, pas du tout là-dedans. Mais s'il avait fait ça, on l'aurait taxé d'hypocrisie, puisqu'on dit mais attendez, vous pleurnichez, mais votre femme, en fait, vous étiez séparés de fait depuis des années. Donc Viguier, lui, il est très coincé, il a jamais le beau rôle. Et Olivier Durandet, lui, s'engouffre dans cette grande brèche de cette histoire de non-amour qui est devenue le mariage Viguier. Et lui, il arrive tout plein d'amour et il parle de Suzy sans arrêt, de manière extrêmement, comme on peut l'attendre d'un homme amoureux. Est-ce que vous pensez que les médias jouent un rôle important dans les procès, comme chambre d'écho, comme récit? Est-ce que dans ce procès, les médias ont été encore plus prégnants que dans les autres? Parce qu'on l'a beaucoup dit, Canal+, qui avait suivi Viguier, pendant le procès, le soir. L'affaire Viguier est une des affaires très clivantes, c'est-à-dire qui donne lieu à des débats passionnés, même des internautes, puisque c'était un peu le début, dans la presse, on commençait à avoir des commentaires d'internautes, c'était parfois d'une violence absolument incroyable. Je crois même que ma consoeur du Monde avait supprimé il me semble que c'est dans cette affaire, elle avait coupé le robinet de son blog parce que ça devenait intenable. Oui, les médias ont beaucoup couvert, mais je crois que ça s'est vraiment passé à l'intérieur de la cour d'assises et que les choses qui ont fait basculer vraiment le procès, c'est resté dans le cadre judiciaire. C'est par exemple la plaidoirie d'Henri Leclerc, le retournement de la babysitter au deuxième procès qui marque indéniablement, on le voit bien au résultat, il y a un avant, un après. Donc ça, c'est des choses intra prétoire. Après, à Toulouse, c'est une affaire qui est encore extrêmement... C'est une affaire toulousaine. Beaucoup de gens ont connu Viguier, les enfants de Viguier. Il y a beaucoup d'étudiants. Quand j'étais à l'hôtel à Albi, par exemple, pour le deuxième procès, la réceptionniste me dit « Vous êtes pour le procès, mais j'ai eu comme professeur. » Ouais. Et c'est une ancienne étudiante de Viguier, donc il y en a partout. Donc forcément, c'était une affaire là-bas extrêmement commentée. Dernière chose, on a dit, parce que c'est vrai, que Suzanne Viguier travaillait dans le monde de la nuit également, chorégraphe ou pour un établissement de nuit à Toulouse. Crazy Moon, disait l'avocat général. Est-ce que c'est une piste qui a été imaginée, après tout, le monde de la nuit, tout ça? Elle a été vaguement, mais très vaguement, très vaguement envisagée, mais il n'y avait pas. Ça n'a franchement rien donné. On peut pas dire que ça a été fouillé. D'ailleurs, c'était un des griefs qu'ont fait les enfants. Quand ils sont venus à la barre, ils ont dit, vous n'avez cherché que notre père et vous auriez dû chercher bien ailleurs. Bien, ce sera le mot de la fin en forme de morale. Stéphane Durand-Soufflant, merci. Je rappelle de votre dernier livre, Frissons d'assises, l'instant où le procès bascule, c'est chez De Noël. Merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Viguier, une émission que vous pouvez bien sûr réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Roland Maé qui était à la technique aujourd'hui.